crache vos corps pas dans le rétro. Chez moi les jeunes font des assauts. Un gros popo dans le ratio. Le lendemain en talasso. Équipe mentale romanzo. Mais t'en mets pas dans le naso. J'mets plus un pied dans la zone. Ils sont tous devenus naso. Tu m'as mis des couteaux dans l'eau. J'ai devenu un couteau mon bro. Tu m'as mis des couteaux dans l'eau. J'ai devenu un couteau mon bro. On va pas faire des chemins pas terre. À terre même tout terre. On t'oublie tout terre. Je veux vendre 30 millions de CD comme Johnny Hallyday. J'ai rempli le level comme Johnny Hallyday. Je crois que tout ce qui m'arrive là c'est mérité. Ils disent qu'ils veulent, je fais de la qualité, de la quantité. Tu m'as cassé le cerveau, c'est pas de l'eau. Je te vois plus sous bobo, c'est pas de l'eau. Et les shit et les mandats, c'est pas de l'eau. Et l'avocat, moi j'suis tout seul, j'vais où le vent mettre à tout seul. Ça gratte, ça fait du recel, ça craque, ça fait des poussons. Ce qui m'aime plus vend des poussettes. J'm'en fous de, j'fais des plus secs. Tu l'as vu se frotter en mode, avec toi elle fait la poussette. Putain je l'aime la musique, en devenir la musique. J'vais faire taper, j'vais partir comme Ribéry à Munich. Mon flow, ma voix unique. J'fais bouger ta l'air unique. Quand t'es méchant, on te tue. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu m'as cassé le cerveau, c'est pas de l'eau. J'te vois plus tout vos beaux, c'est pas de l'eau. Et le shit et le mandat, c'est pas de l'eau. Et l'avocat écoute un bras, c'est pas de l'eau. C'est pas des la la la, c'est pas des la la la, c'est pas des la la. Tu connais gros, y'a rien, ça rien. Survêtement d'or et platine, j'file un scooter italien. J'prends des contacts dans le dos, et j'arrive en tout solo. Tu dis que j't'en pas la mano, t'as comme un follow. J'fume le poison avec le flash dans la boisson. Un bras la caution de cette putain de l'opération. J'suis un voyou, moi, j'fais que du son. Elle se ramène la moule à ta physiquement. Cherche, j'te nique, tu me piques, j'te pique, tu me cherches, j'te nique, tu me piques, j'te pique, tu me piques. Ça coche, trafic, fric, bis, tout ce qui m'a dit. Critique, c'est ce qu'on m'a dit. Reçus, bide, pas de sympathie. J'mange la poissonne, que j'lui dis tu vas où. Quand t'as rien patiente, reste comme t'es quand t'as tout. Et quand t'as tout, fais confiance en tes gains. Vois-t'en même les vrais qui sont là. Quand t'es pas bien. Et quand t'as tout, fais confiance en tes gains. Vois-t'en même les vrais qui sont là. Quand t'es pas bien. Tu m'as cassé le cerveau, c'est pas de la la. Je te vois plus sous vos beaux, c'est pas de la la. Et le shit et le mandat. Et l'avocat écoute un bras. Est-ce que tout le monde est chaud? Est-ce que vous avez de la force quand même? Il y a de la force? Allez, il y a de la force par là? De toute façon, on a attendu 2 ans. La force, on l'a toute la nuit, toute la vie.